zanmou ka pousse mwen pou vin echwe an de Batiman la rentre bonè Kapiten aken an mwen Katon asi ke la Avan mwen te voyaje Olu a gama ke ekraze Sentiman nou te kresse L'an mè te bel an navigè An vogue si tout l'océan Mè jodi mwen mè akoste Sensation à vivre en moi Vini, vini, vini, vini Darling Vini plonger en bois en moi Nous qui baignons dans la mer bonheur Je dis moi qu'à débarquer et c'est pour être pour